Exercice 9, page 32. A. Elle vient après le dîner. B. Combien voulez-vous? C. Il va à Alexandrie. D. Michael attend dehors. E. Elle a apporté un bouquet. F. Il est beau et intelligent.